Alors, nous commençons pour les questions. On en a énormément. Oui, je pensais que tu avais ressorti toutes les vieilles des semaines d'avant. Non. Il y a plusieurs piles. Je ne sais pas s'il va falloir faire un coup alors, de vitesse. Mais fais ça vite de bas. OK. Monsieur, j'ai bien confiance en vous, mais sur quoi vous basez-vous pour votre savoir? Intuition ou connaissance instantanée ou extraterrestre? Merci beaucoup. Bon. Premièrement, une chose qui est assez dramatique, c'est qu'il ne faut absolument pas avoir confiance en moi. Et ce n'est pas une farce. Vous devez avoir confiance en ce que vous vivez puis en ce que vous êtes vous autres, pas moi. Si vous regardez le soleil, c'est le soleil. N'ayez pas confiance au soleil, ayez confiance que vous voyez le soleil. Mais n'ayez pas confiance en cela dans le soleil. Ça ne change jamais rien chez vous. Ayez confiance en vous. Si vous comprenez des choses que je dis, ayez confiance en ce que vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, n'ayez pas confiance en ce que je dis. L'humain doit devenir son seul maître. C'est très important. Conscience, l'intuition. Ben, si l'intuition relate le fait qu'un être humain peut être, disons, connecté à un savoir mémorisé dans le monde de la mort, donc dans le plan de l'astral planétaire, je ne suis pas intuitif. Si l'intuition fait référence au contact avec l'esprit, donc avec l'énergie supramentale, je suis intuitif. On parle de phénomène extraterrestre, ça fait rire certaines personnes. Sachant une chose, c'est que la planète Terre est capable d'irradier dans l'univers. Donc, sur la planète Terre, on est capable de générer des corps physiques, on le sait. Hein? Bon, on a même généré des contraceptifs tellement on générait des corps physiques. Bon, on est capable de générer de la vie, on est capable de générer de l'émotion, des désirs, de la mémoire, donc de l'âme. C'est planétaire. On est capable d'avoir une pensée logique, mentale. C'est planétaire. Et l'être humain n'a pas de savoir instantané. Cette conscience du savoir instantané fait donc partie d'une région qui est extraplanétaire, donc extraterrestre. Je ne suis pas un extraterrestre de par ma génétique physique. Sauf que lorsque l'être humain entre en contact avec son esprit n'est pas terrestre. Son esprit n'est pas terrestrifié. Elle n'est pas planétarisée. Elle est extraterrestre, dans ce sens. Le terme extraterrestre fait toujours référence aux ovnis. C'est pas ça. Extraterrestre veut dire extérieur au plan terrestre. On pourrait parler d'international, quelque chose qui est extranational, c'est quelque chose qui est à l'extérieur de la nationalité. Extraterrestre, donc extraterrestrialité. Faut comprendre ça comme ça. En janvier, je crois, j'ai fait une conférence justement sur le phénomène extraterrestre. Puis, j'ai toujours pensé que l'on... je sais pas lire, hein. J'ai toujours pensé que l'on partait d'un grain de sable alors qu'on aurait été minéral, végétal, animal et enfin humain. C'est temps que vous veniez ici. A-t-on déjà vécu sur d'autres planètes et où va l'esprit après la mort? Bon. Il y a des questions qui sont intéressantes, mais il y a des questions qui ne sont pas utiles. Il y a des questions qui sont intéressantes dans une discussion, par exemple, de salon, dans une discussion pour nourrir l'ego, pour nourrir l'intellect, dans des discussions intellectuelles. Avons-nous vécu sur d'autres planètes? Ce n'est pas utile de savoir cela pour la simple raison que présentement nous vivons sur celle-ci. L'être humain essaie toujours de savoir ce qui serait passé si telle chose serait arrivée. Où il a vécu avant? Qu'est-ce qu'il va faire plus tard? Et tout le temps qu'il fait ça, il ne vit pas où ce qui est. Ça crée une problématique qui fait que l'humain n'arrive jamais, en fin de compte, à se brancher sur un savoir instantané puis à se brancher dans sa propre intelligence. Que l'on partait d'un grain de sable et qu'on aurait été minéral, végétal, animal et enfin humain. Cela fait partie de la théorie de métempsychose, disons, évolutive. On a aussi la métempsychose, disons, évolutive. L'être humain peut être réincarné en plante. Non, il vient légume de son vivant, puis après ça, il se libère. L'humain n'a jamais été du minéraux en ce sens. Qu'est-ce que c'est l'humain? Si on regarde le corps physique, soit le corps physique a déjà été un paquet de produits chimiques minéralisés. OK. Quand vous mangez des minéraux, du fer, le fer devient vous, soit sur l'hémoglobine, soit ailleurs. Donc, vous êtes, les minéraux sont devenus de l'homme. Mais est-ce que les minéraux qui sont devenus le corps de l'homme ont la conscience de l'homme? C'est autre chose. Quand je parle de l'homme, je ne parle pas du véhicule biochimique. Je parle en observant le véhicule biochimique parce que c'est par celui-là, par l'essence de ce véhicule biochimique, que l'homme, celui à qui je m'adresse, soit astral, donc amique, ou soit mental, peut me comprendre. Lorsqu'on parle de l'homme n'était pas des minéraux, ni des végétaux. Son corps est constitué de matérialités planétaires qui peuvent être trouvées dans les végétaux. Lorsque l'on dit « tu manges une plante », la plante, tu la fais évoluer. Dans un certain sens, oui, mais dans le sens cosmique de l'évolution, non. Tu changes l'état de la plante, tu la transmutes, tu l'alchimises, et puis à un moment donné, tu vas la réalchimiser puis l'envoyer aux poubelles. Bon, alors l'évolution de ta plante, à un moment donné, elle se retourne plus basse qu'elle était avant que tu la bouffes. Alors, il y a juste l'humain qui évolue d'une façon améliorative. Constituellement parlant, on est minéraux, etc., etc. Une fois qu'on l'a digéré, c'est autre chose. Mais quand je parle de l'homme, je parle de l'âme. Je parle du mental, je parle de l'esprit. Je ne parle pas du corps physique. Sinon, je pourrais aussi bien faire mes conférences à du monde qui dorme. A-t-on déjà vécu sur d'autres planètes? Où va l'esprit après la mort? L'esprit, ça ne va nulle part. Avez-vous déjà entendu parler de quelque chose qui était partout? Mais quelque chose qui est partout, ça ne va pas nulle part. Parce que partout où ça veut aller, c'est là. L'esprit fait partie de la conscience galactique qui présentement est en train d'éveiller l'homme, le savoir instantané. Le Nazaréen a été le premier à avoir cette conscience de l'esprit. Il l'a légué par initiation à Lazare. Et il a bien averti que l'humanité un jour pourrait faire la même chose que lui. Sauf que l'humanité... Ben, se refuse toujours de croire que c'est le temps. Ben là, c'est le temps. Ne veut pas. Malgré l'homme, malgré l'humain, ben ça devient de plus en plus le temps. Alors, l'humain va passer par une phase où il va douter. C'est normal, il devient intelligent. Donc, il doute. Le doute, c'est quoi? C'est la remise en question des croyances. C'est pas un reniement, c'est une remise en question. Et puis, lentement, l'humain finit par vibrer, il goûte, il sait. Il est sûr qu'il sait. Il est sûr d'être sûr, d'être sûr, d'être sûr qu'il sait. Quelqu'un va venir lui dire, oui, mais dans tel livre, c'est écrit que... Le gars qui l'a écrit ne le savait pas. À un moment donné, l'humain le sait. Mais quand il le sait, il faut qu'il le sache. L'esprit, où est-ce qu'il va après la mort? C'est le corps physique qui disparaît, l'âme rentre dans le monde de la mort, et puis l'esprit, présentement, pendant un laps de temps, se déconnecte de la conscience du corps. L'esprit reste partout, c'est partout. Sauf que l'humain est de l'esprit, puis l'humain ne sait pas. Donc, l'humain a perdu le contact avec la conscience de l'esprit. Et plus ça va, plus l'humain a ce contact. Sauf que l'humain étant régi par une évolution collective, une conscience collective, qui interdit à toi ou à toi d'avoir un contact avant les autres. Parce qu'on va dire, pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? Ben, à un moment donné, ben, y en a qui vont se prendre pour ce qu'ils sont. Puis ils vont avoir le contact avec leur propre esprit. Pas un contact où l'esprit va parler puis l'autre il va répéter. Non, l'esprit va parler. C'est plus rapide, c'est pas coloré, c'est pas émotivisé. Puis c'est plus réel. Une question de la mort des chips. Pourquoi n'y a-t-il plus de chips? Il y a-t-il une raison supramentale? Chose certaine, c'est que ça l'a instruit beaucoup d'ego. Alors, s'il y a une raison intelligente, on peut constater que oui. Est-ce que le travail des lamas tibétains lors du rituel du bardo était utile pour le mort, voire même nécessaire? Le livre des morts tibétains a-t-il une quelconque utilité aujourd'hui, en 86? Pourquoi une âme s'incarne-t-elle dans le corps d'un fœtus appelé à mourir dès sa naissance? Est-ce nécessaire et utile, karmiquement parlant? Qu'est-ce que ça apporte? Félicitations pour votre bonne conférence. Bon, félicitations pour la question. Est-ce que le travail des lamas tibétains lors du rituel du bardo était utile pour les morts, voire même nécessaire? Il faut comprendre qu'il y a encore beaucoup de monastères aujourd'hui, soit catholiques, soit islamiques, soit juifs, etc., qui, comme qui relient au rituel des lamas au Tibet, ont encore comme fonction d'instruire les morts d'où ils doivent aller. Ce n'est pas... Le mort meurt, et lorsque son âme est trop lourde, on a expliqué un peu pourquoi, il reste au niveau du plan morantiel, et il y a donc des personnages qui l'appellent et qui vont l'instruire de ce qu'il doit faire. Alors, plus le ciel évolue, et aujourd'hui le ciel est drôlement relativement évolué comparativement à avant, alors plus le ciel évolue, plus sa lumière est puissante, plus la personne peut donc diriger tout seul, ce qui fait que de plus ça va aller, moins il se sera utile d'avoir un rituel similaire à celui-là. Le livre des morts tibétains a-t-il une quelconque utilité? Oui, pour les croyants et les fidèles qui sont dans l'ignorance, qui ne comprennent pas et qui ne pourraient pas vivre une substance de conscience sans être attachés à une tradition. le bardo, entre autres. Pourquoi une âme s'incarne-t-elle dans le corps d'un fœtus appelé à mourir? Il faut comprendre que lorsque le spermatozoïde rencontre l'ovule, il y a création d'un enfant. La génétique électronique, donc la génétique vitale, l'acide désoxyribonucléique contenu dans les nucléoles de ces deux phénomènes, est déjà amifié. L'âme de la mère, l'âme du père, donc il y a déjà une âme. L'enfant va se dissocier de l'âme des parents vers 3 ans et il va s'identifier à la sienne. Donc il y a déjà une âme. Maintenant, ce n'est pas une âme réincarnative, c'est-à-dire que c'est l'âme réincarnative du vivant des parents, mais elle ne vient pas du monde de la mort. Plus le fœtus va grandir, plus la structure atomique de ses cellules va permettre l'attirance du monde de la mort d'un phénomène amique qui va être évidemment régi par la position des paliers du monde de la mort attirés par les planètes, parce que les planètes n'influencent pas l'homme, elles influencent les paliers du ciel, puis l'homme étant assujetti au ciel par le monde de la mort, l'homme étant un mortel, l'homme étant un être de mémoire, alors évidemment, reste manipulé. Est-ce qu'il y a d'intelligence? Est-ce que c'est utile? Ce n'est ni intelligent ni utile en ce sens que ça n'a aucune importance. Pourquoi? Parce que c'est une mécanicité fondamentale et de temps en temps, soit que la mère vit une expérience qui va l'instruire, donc il y a un fœtus qui va être créé et qui va être un mort-né ou qui va être avorté. L'âme vient dedans mécaniquement. L'âme qui naît dans le fœtus n'a même pas de conscience d'existentialité. Donc l'âme qui naît dans le fœtus ne sait même pas qu'il est là. Ce qui fait qu'il n'y a pas de souffrance au niveau de l'âme. Il n'y a aucune torture. Il n'y a rien qui se passe. Et c'est une mécanicité reliée aux lois mécaniques de la gestion de la procréation planétaire. Donc, c'est parfait. Au niveau karmique, non. J'ai fait souvent des conférences sur le karma. On peut se référer à ces conférences si on veut connaître un peu plus du karma. Mais le karma des vies antérieures, vous n'en avez à peu près pas. 1%. Qu'arrive-t-il à l'âme de quelqu'un en bonne santé qui s'est suicidé et a commis un meurtre avant? Le fait qu'elle a commis un meurtre fait qu'elle a obligé la société à payer une partie du karma collectif. Donc, elle-même, en tant qu'individu, n'a pas grand-chose à payer de ce meurtre. Le fait qu'elle se suicide, elle s'est sans doute suicidée suite aux manipulations des concepts de culpabilité ou de la peur d'être prise. Donc, encore une fois, cette personne a été le support. C'est une personne qui, du point de vue de l'homme, je peux faire frémir différents égos, du point de vue de l'homme, a commis un meurtre et s'est suicidée, donc, réellement, tant mieux qu'on s'en soit débarrassé. Mais du point de vue cosmique, cette personne a payé de sa vie et de sa souffrance une grosse partie du karma collectif de notre société, permettant à ceux qui sont heureux de pouvoir continuer à être heureux. Et c'est une mécanicité qui est normale au niveau de ce qui se passe. On a de temps en temps des guerres pour, alléger le karma collectif de tout le monde. On a des viols, on a des enlèvements d'enfants, on a un paquet de choses qui sont tout à fait inhérentes à nos sociétés parce que c'est ces individus-là, à un moment donné, qui sont manipulés et qui vont assouvir le karma de la collectivité. Donc, cette personne, du point de vue cosmique, a été manipulée. Donc, elle est responsable en ce sens qu'elle a payé pour, mais elle n'est pas coupable de quoi que ce soit. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait au niveau de la conscience. Qu'est-ce qui arrive à cette âme? Elle va dans le monde de la mort, la même chose que les autres. Sa culpabilité est trop lourde, elle va rester dans le plamoronciel pendant un laps de temps où elle va vivre un enfer. Sa culpabilité disparaît, elle va évidemment grimper au niveau du monde de la mort. Parce que même si la religion parlait, elle ne parle plus, elle parlait du fait que l'âme pouvait partir en enfer ad vitam aeternam. On n'en parle plus parce que maintenant, c'est plus ça. Mais c'est pas vrai non plus. On s'est servi de cette mécanicité pour obliger les âmes à faire attention. Parce que l'humain n'avait pas suffisamment d'intelligence pour comprendre. Alors, on l'obligeait par la peur. Plus l'humain a d'intelligence pour comprendre, plus ces choses doivent être expliquées clairement. Pourquoi a-t-on perdu la mémoire d'où on était avant la vie? Pour la simple raison que tous ceux qui se rappelleraient au niveau de leur âme de ce qui s'est passé se suicideraient. Se suicidant, ils regagneraient le monde de la mort et du monde de la mort, ils seraient reprojetés dans le monde de la vie. L'être humain ne peut pas sortir de la phénoménologie mortelle de l'évolution expérientielle de la planète Terre autrement qu'en vivant. Donc, l'être humain va s'en sortir vivant dans un corps physique vivant. Celui qui meurt, se repose un laps de temps, il va de toute façon revenir en paix et il va s'en sortir vivant. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Oui, mais là, moi, là, je ne veux pas mourir, j'aimerais m'en sortir tout de suite. » Vous savez que le temps n'existe pas scientifiquement. C'est bien une des rares choses qu'on réussit à prouver. Et que le temps n'est pas prouvable. Bon. Théologiquement, le temps n'existe pas non plus. C'est pourquoi on dit qu'il y a de l'immortalité, c'est pourquoi on dit qu'il y a de l'éternité. Parce que le temps, c'est pas une fraction d'éternité. Mais dans la conscience de l'homme qui mémorise tout, il crée l'illusion psychologique du temps. Parce que le temps que l'on connaît est en réalité un déplacement, c'est pas du temps. Lorsque l'être humain meurt, il se suicide, ou lorsqu'il meurt simplement d'une mort normale, il va dans le monde du ciel, où il va être, à un moment donné, réinstauré au niveau d'un corps physique. L'être humain de son vivant entre en contact avec son esprit. Il va créer ce que j'appelle le double éthérique, et lorsqu'il va quitter son corps physique, il va être capable de transcender le monde de la mort, donc il ne sera pas mort. C'est ce que le nazaréen ou la théologie appelle la descente aux enfers, qui par après lui a permis de carrément sortir, donc être carrément désacheté du monde de la mort. Il ne pouvait plus mourir. Il avait un corps éthérique, ce double éthérique, on dit un corps lumineux dans la Bible, et il, évidemment, a ramassé son corps physique en dedans de quelques minutes. On parle qu'après 3 jours, on a ouvert le tombeau, on n'a rien trouvé. Oui, son corps n'est pas sorti. Son corps s'est simplement défait. Le corps éthérique du Nazaréen a simplement luminisé le corps physique qu'il avait, et le corps est donc disparu. De son vivant, on comprend les choses, et puis à un moment donné, restant vivant, on finalise le phénomène expérientiel de l'homme. On va revenir en conférence sur cela. Il y a beaucoup de questions, j'aimerais pouvoir avancer là-dedans. Alors, il n'y a aucun problème. Celui qui meurt ou qui se suicide va dans le monde de la mort. Il ne souffre pas. La vie est belle. Enfin, oui, la mort est belle. Et à un moment donné, il revient sur le plan terrestre dans un corps plus amélioré, plus avancé, dans une société mieux orchestrée. C'est ce qu'on appelle l'évolution. L'humain en a peur parce qu'il ne sait jamais. Il se fie aux prophéties. 1% des prophéties arrivent. Puis c'est pas la faute des prophètes. À force d'en dire, on finit bien par tomber sur des choses qui lui marchent. Que veut dire le septième ciel? Les cieux sont plus élevés que le ciel. Où sont-ils et quand y parvient-on? Bon. Dans l'Antiquité, on employait justement la terminologie « les cieux et le ciel ». Je reprends souvent ces termes-là parce que, en mon sens, ils définissent bien les choses. Le monde de la mort est divisé ésotériquement et théologiquement en 7 paliers. L'enfer est le plus haut, est le monde spirituel où on va rencontrer ce que les humains appellent un contact avec la mémoire du Nazaréen. Mais c'est pas le Christ qui rencontre, le Christ est parti, mais c'est la mémoire qui l'a laissé. Ou encore de très grands maîtres, le Nirvana. Il y a donc 7 paliers, disons, d'ordre digestif, purgatoriel, et le 7e serait ce qu'on appelle le ciel au niveau théologique catholique, mais qui serait le Nirvana au niveau, par exemple, bouddhique. Les cieux font partie de ce qui n'appartient pas à la terre. Dans la théologie, on dit que Dieu a créé le ciel et la terre. Donc, en même temps, c'est un fait, le ciel est le paramètre astral du contexte matériel. Il venait des cieux. Le Nazaréen dit que son père dans le ciel lui demande telle chose. Plus loin, il va dire que son père dans les cieux. Là, il parle de l'intelligence supramentale, donc de l'Esprit-Saint, qui est au-delà du ciel, qui fait donc partie des cieux. La théologie parle de 3 cieux. Il y en a en réalité 5. On peut même dire qu'il y en a 7 si on veut diviser un peu plus. Mais les chiffres n'ont aucune importance. Ça permet de comprendre des choses. Le premier palier des cieux, le plus bas, celui qui est le plus en évolution, est le plan supramental, donc le plan du savoir instantané, donc le plan de l'Esprit-Saint. Et au niveau de la planète Terre, le plan le plus évolué, le plus élevé, celui qui est en ascension, est le plan mental. Et c'est ces deux-là qui vont se rejoindre. Lorsque l'homme aura un mental suffisamment décoloré de son émotion, il pourra entrer en contact avec un savoir instantané qui ne sera pas toujours berné par la fausse humilité qui habite l'homme, qu'il est médiocre. Parce que l'homme pense qu'il est médiocre. Alors, c'est ce qu'on veut dire par les cieux. Quand y parvient-on? Approximativement, quand on y parvient? Une question assez longue ici, mais je vais couper court. Ma mère est morte il y a 3 ans de diabète. J'ai vécu sa maladie. Mon père, qui va mourir alcoolique, il a des cellules au cerveau atteintes. J'arrive à la fin. J'ai besoin de me faire réajuster sur ses sentiments. Il y a quand même eu de bons moments en famille quand nous étions enfants, etc. C'est pesant. Bon, premièrement, il y a toujours de bons moments dans la vie. Et le maudit phénomène, c'est que l'astral planétaire, la conscience collective, celle qui manipule les humains et qui en fait des animaux, elle a la faculté intrinsèque d'aller chercher chez les humains les points clés qui permettent à cette conscience de toujours les manipuler et de les conserver dans un état d'involution. Bon, la théologie appelle ça le monde involutif, le mal, les forces du mal. La science peut appeler ça le refroidissement. On baisse en vibration. Bon. La personne, elle a vécu des bons moments. C'était bien évident que si l'astral lui ramène dans sa conscience les mauvais moments, elle va wear out. Et ça ne peut pas fonctionner parce qu'une personne libérée a la faculté d'avoir un plan mental qui s'en va, et le plan mental qui s'en va entre en contact avec de l'intelligence, ce qui fait que toute la conscience collective qui nivelle tout le monde au même niveau, et ça, j'en ai parlé suffisamment, ceux qui sont ici peut-être pour la première fois, on va en reparler de toute manière, sinon on a suffisamment, disons, de conférences enregistrées pour cela. Cette conscience collective, elle a donc la faculté de récupérer les individus qui tentent à s'en libérer. Si on regarde l'exemple du Nazaréen avec Satan et ces choses-là, ben effectivement, c'est l'idée même de la conscience collective. Tu auras une puissance sur tout le monde, tu sais, ça c'est bien vu ça. Bon, mais ça c'est un poste qu'on donne, l'astral donne des postes. On refuse toujours les postes, comme ça on va mieux. La personne, elle revit des bons moments, de façon à pouvoir se sentir coupable, de façon à pouvoir désirer que ce qui génère chez elle ces bons moments, son père entre autres, et la mémoire de sa mère, puisse rester, son père doit rester un peu plus vivant parce que ça va lui permettre de pouvoir continuer à vivre les bons moments. Premièrement, elle n'est coupable et responsable de rien. C'est une chose, qu'elle le veuille, qu'elle ne le veuille pas. Deuxièmement, elle est manipulée présentement par le monde de la mort qui l'oblige, elle, à vivre dans le monde de la mort, c'est-à-dire qu'il l'oblige à vivre dans le passé, dans la mémoire. Elle ne peut donc pas entrevoir l'avenir clairement parce qu'il y a toujours de la mémoire qui vient omnibuler sa conscience. L'alcoolique meurt. Il vit une phase où il va se libérer de cette mécanicité et il gagne donc le plan de le monde de la mort comme toutes les personnalités qui ont vécu sur le plan planétaire. Sauf qu'évidemment, l'alcoolique prend un peu plus de temps à monter et c'est pourquoi la théologie bannit l'alcool. Maintenant, est-ce que c'est quand on parle de péché vinel et de péché mortel, etc., là? Hey, je fouille loin, moi, là. Je pensais que j'avais oublié ça. Bon, c'est ça, quand ça sort. Quand on parle de cette mécanicité, c'est une mécanicité qui ne régit que l'homme vivant. Ça ne régit jamais l'homme qui est mort. La personne ici doit envisager sa vie vivante. Elle doit envisager ce qui se passe présentement. Elle doit se reconnaître comme étant une entité qui est hautement importante. Donc, une entité qui a, elle aussi, sa vie à vivre, son plan amique à constituer, la connaissance, la compréhension de ces choses. Et elle doit supporter d'une façon mentale ce qui arrive à ses parents ou à son père, et non pas d'une façon émotive. Si elle le supporte d'une façon émotive, obligatoirement, elle sera reliée à ce que son père vit et elle le vivra. Ça va être extrêmement pénible pour elle parce que c'est une manipulation qui l'oblige par l'émotion à vivre la même chose que son père. Est-ce que son père vit la même émotion et la même souffrance qu'elle? Même pas nécessairement. Et c'est ça qui est relativement dramatique, c'est que souvent la personne qui souffre pour l'autre souffre plus que l'autre. Et c'est une absurdité au niveau psychologique. C'est normal en ce sens que les humains sont manipulés par ce contexte et tous le font, enfin presque. Mais ce n'est pas intelligent. La personne, elle est intelligente, puis elle doit simplement arriver à supporter ce qui se passe d'une façon mentale, donc d'une façon décolorée de l'émotion. Elle ne doit plus se connecter à son père par l'émotion, ni à sa mère d'ailleurs, par l'émotion, parce qu'elle va en souffrir. L'émotion, c'est quelque chose de bon, de beau, lorsque ça permet la création. Mais c'est quelque chose à annihiler lorsque ça permet la destruction. Elle est en train de détruire son corps physique, elle est en train de vivre la maladie et de se rendre malade. Et évidemment, ce n'est pas correct. En ce sens, elle doit donc observer ce qui se passe et apprendre à le supporter mentalement. Pour l'instant, c'est ce que je peux donner. Elle va, de toute façon, finir par comprendre ces choses-là. Dans le cas de la clairvoyance, pourquoi y a-t-il des périodes où ça s'obscurcit et que les données ne viennent plus? Exemple, par le biais du tarot. Bon, premièrement, la clairvoyance et toutes ces mancies n'émancipent pas l'humain. Elle l'esclavagie, elle le condamne. J'ai fait une conférence à un moment donné sur la préscience, qui est extrêmement au-delà des mancies, mais qui encore là devient l'esclave. Un jour, j'étais tout petit, j'ai déjà été petit, et je m'amusais avec un pendule, une vieille clé pendue. Et ça me donnait des réponses. Et c'est génial, j'ai tout savoir, mes examens, je l'ai passé. Et j'ai passé les examens. J'ai appris à tirer au tarot très rapidement, pas dans un livre, avec des cartes. Et quand j'ai lu dans un livre après, je me suis rendu compte qu'ils tiraient tout différemment de moi, mais que moi, ça marchait, alors je me foutais d'eux autres. Alors, je tirais aux cartes. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte, mais c'est génial. C'est génial, n'est-ce pas, de ne pas savoir des choses que personne ne sait. Ça, c'est l'orgueil, l'ego qui flotte, qui trippe. Mais à un moment donné, je me suis dit, le problème, c'est que ce serait peut-être pas mieux si je pourrais prendre mes cartes, les mettre à côté, puis savoir la même chose. Pas de cartes. Alors, j'ai continué à tirer les cartes pour que le monde vienne, parce que le monde n'aurait jamais été capable de supporter que je lui parle d'eux autres. Alors, je tire aux cartes, puis là, je lui parlais d'eux autres, ils pensaient que je lui parlais, que les cartes le parlaient d'eux autres. Tu sais, des cartes, c'est ça, on comprend que ça puisse savoir. Pas un homme. Alors, j'avais donc mes cartes, puis je lui parlais. Et puis, les cartes, on élimine les choses. La voyance, tu communiques avec le monde de la mort. Puis, le problème du monde de la mort, c'est qu'une fois sur deux, tu te trompes. Dans le début, c'est bien beau, ça marche, c'est parfait. Puis, à un moment donné, t'es faite. Ça marche plus. Tu te trompes, tu te fais avoir. Dans le cas de la clairvoyance, c'est ce qui se passe. Au niveau du tarot, ça fonctionne, ça ne marche plus. Premièrement, il y a une mutation neurologique qui est régulière chez l'humain. Soit dégradante, les neurones meurent. Et ils ne sont pas reconstitués immédiatement, donc il y a des pertes, ça revient. Comme des pertes de mémoire, à un moment donné, tu le laisses au bout de la langue, des coups, ça revient. Il y a aussi une mutation qui est améliorative, où les neurones se reprogramment différemment, de façon à éliminer les distances neuroniques pour pouvoir accélérer l'expression d'intelligence. Il y a des contacts qui sont coupés encore une fois. Et au niveau du monde de la mort, il faut comprendre des choses, c'est que ce monde est relativement souvent perturbé. Il n'en souffre pas, mais c'est un peu comme s'il y avait des, à un moment donné, des gros courants de vent qui viennent perturber les choses et qui déconnectent carrément les êtres humains à partir avec ses voyances. Vous avez déjà sans doute vécu, à un moment donné, comme une atmosphère bizarre, comme à Montréal ou à l'extérieur. Tu sais, une atmosphère dense, c'est comme une bizarre, c'est comme pesant. C'est... Et puis, à un moment donné, ben, le vent, là, il se passe des choses, d'un coup, tout ça. Ah, bon, tu sais, on dirait que c'est mieux. Ouais, va-t'en dans le vent, puis tu te rends compte que c'est maintenant rendu là. Alors ça, ce sont les vents matériels qui, évidemment, moléculairement, créent de l'électricité statique qui attire le plan vital qui contient une partie du plan astral, donc de ce monde de la mort. Et ça circule un peu. La personne qui est connectée à certaines choses peut évidemment perdre certains contacts. Mais ce qui est surtout dangereux, c'est pas quand on perd des contacts. Faut qu'on arrive à plus avoir besoin de ça. Mais ce qui est dangereux, c'est pas quand on perd les contacts, c'est quand on perd pas les contacts. C'est là que c'est dangereux. Vous avez un contact, une personne ici qui a fait de la voyance. Elle parlait. À un moment donné, elle a jasé, on a parlé ensemble, et puis je lui ai dit, vérifie c'est qui. Elle a vérifié c'est qui. Elle le fait plus. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que la personne, ou l'aime de la mémoire, c'est pas une personne, hein, c'est une mémoire de quelqu'un. La mémoire, t'es connecté, c'est une enregistreuse. La mémoire qui te parle, qui te donne des choses, qui accumule des mémoires, puis qui pense à ta place. Et c'est ça le drame. T'es plus là, toi. Tu fais confiance. Elle pense. Puis à un moment donné, elle vient d'un plan spirituel pour pire. Tout d'un coup, le vent, ça se tasse. L'autre qui prend la place, il n'y a pas de découpage. Lui, l'autre qui prend la place, l'autre mémoire, elle peut t'amener à faire quoi? À faire ce qu'on voit dans les journaux. À tuer ta femme, ton mari, tes enfants, au nom de Dieu. Ou encore à investir de l'argent quelque part, te faire avoir carrément. À rentrer dans tel secte, encore une fois, te faire berner. Puis d'un coup, le vent passe. Puis là, celle qui est passée, elle se faisait passer pour l'autre. Parce que si elle se fait passer pour quelqu'un d'autre, tu ne voudras pas te brancher avec. La personne qui revient, celle qui est bien correcte, ben là, elle dit, ben oui, mais là, c'est une initiation, t'as appris, puis ben, c'est ça. Alors, ce qui est dangereux, c'est quand t'es toujours en contact avec ces conneries-là. Ça devient extrêmement pénible parce que les humains se font toujours avoir par ça. Tous ceux qui ont des contacts sont seulement fiers au niveau de leur orgueil que quand je leur dis que ces choses-là, c'est de la merde, ben, ils me disent, ben oui, oh non. Ouais. Mais j'en connais, puis il y en a un paquet qui je connais qui ne me connaissent pas, qui sont présentement dans, qui ont des problèmes par-dessus la tête. Il y en a qui vont jusqu'à commettre des meurtres. C'est rare, mais ça arrive. Il y en a qui vont tout vendre. Il y en a qui vont faire un paquet de stupidités parce qu'ils sont régis par des maîtres, des grands maîtres, ou des entités du monde de la mort, ou des... Bon, ils sont médiums, ou les cartes, ou les marques de thé, ou la boule de cristal. Bon. Tant que ça marche, ça marche. La journée que ça marchera plus, vous le saurez pas. Vous allez le savoir. Étant expérientiel, pas relié à un savoir instantané, vous allez devoir expérimenter que ça marche plus. Et quand vous allez découvrir que ça marche plus, il va être trop tard. Il va y avoir des conneries qui vont être faites. Oh, on peut se couper pareil. Sauf que quand t'as plus d'argent, parce que, tu sais, ils t'ont dit de, bon, ben t'es faite. Quand tu t'es séparé ou divorcé ou marié ou etc., parce qu'ils t'ont dit que, t'es faite. Alors donc, à un moment donné, l'homme doit savoir. Où prenez-vous vos sujets, vos thèmes de conférence? Pouvons-nous vous en suggérer? Bon, pouvons-nous vous en suggérer est une question qui n'est pas appropriée. Prenez-vous en main puis faites des choses. Demandez pas à votre gérant, puis-je vous voir? Dites-lui, je veux vous voir. Ben, parce que, hein, bon. Alors, pouvez-vous suggérer des titres de conférences? Ben, voyons donc. C'est bien évident. Question se pose pas. Où je prends mes sujets et mes thèmes, ben, c'est ça. Il y a du monde qui ont décidé qu'ils m'en suggéraient, puis... Est-ce que la visualisation d'une protection énergétique ainsi que la démagnétisation, lorsqu'on est en présence de quelqu'un qui pratique la technique de renaissance, est légitime? Légitime, oui, dans le sens... bon. La visualisation d'une protection énergétique est un leurre de l'ego. La visualisation, elle peut entraîner par mécanisme réflexe l'augmentation du périsprit de l'âme, donc évidemment devient une protection filtrante qui va empêcher la personne d'être hyper influençable. Sauf que bien souvent, la personne qui a cette projection n'est pas consciente de ce qu'elle fait. Et si le mécanisme réflexe n'est pas instauré, elle aura le feeling qu'elle est protégée, mais elle ne sera pas plus protégée. Est-ce que les messes que l'on fait chanter pour des défunts retardent son évolution? Si la messe est chantée en latin, non. Peut-on épaissir un pire esprit? Oui. Et si la messe est chantée en latin, la vibration du latin est une formule magique. C'est de la magie blanche. C'est une instruction vibratoire qui permet, et si on fait une prière en français, ça n'a pas du tout le même phénomène. Les chants qu'on va se servir dans les églises, l'orgue entre autres, la cloche d'église, qui a d'ailleurs la faculté, de par sa vibration, de faire un trou dans le plan bas de l'astral, donc dans le plan bas du ciel, donc on peut dire d'attirer les plans hauts. L'orgue et ces choses-là sont de consonances vibratoires hautement spiritualisées, mais encore là, la messe doit être chantée en latin. Et là, c'est exactement comme ce que le bardo, disons, tibétain va faire. Il n'y a aucun problème là. Peut-on épaissir un périsprit? Oui, sauf. Plus le périsprit est mince, plus la personne est influençable. Alors, un hypnotiseur arrive à côté, puis il fait 3-4-5 passes, la personne est partie. Bon, c'est sûr. Plus la personne a un périsprit épais, moins elle est influençable et moins elle est sensible. Si elle n'est pas sensible, il y a de fortes possibilités que son ego se prenne au sérieux et que cette personne ne puisse plus s'ajuster aux conditions émotives de l'ensemble des humains qui l'entourent. Alors, à un moment donné, il y a un oiseau qui est à terre, la personne va l'écraser pour le fun, il va s'en va. Pourquoi? Enfin, si le périsprit est trop épais, à un moment donné, ça crée un certain problème. Elle n'est pas influençable, la personne tête dure. Vu qu'elle a un ego qui se prend au sérieux, il faudrait à un moment donné la têter suffisamment pour qu'on puisse amincir son périsprit. Or donc, il faut qu'il y ait un juste milieu entre la minceur et l'épaisseur. Et ça, ce n'est pas encore une fois du domaine du savoir de l'ego. Vous allez finir par arriver à cet équilibre. Mais pour l'instant, c'est une chose qui ne s'enseigne pas à l'ego. À un moment donné, l'humain, lorsqu'il devient un homme nouveau, évidemment, a un périsprit qui est capable d'être grossi lorsque c'est nécessaire et d'être aminci lorsque c'est nécessaire. Il y a déjà plusieurs humains qui peuvent le faire. Celui qui a un corps mental est capable de résister à quelque chose correctement et de se retourner et de trouver quelque chose de beau. Donc, il est déjà capable, disons, d'altérer l'épaisseur de son périsprit. C'est une personne transitive. L'incinération est-elle bénéfique ou nuisible pour l'âme? Et quelle est la façon la plus appropriée de disposer du corps? La façon la plus appropriée de disposer du corps est l'incinération ou l'enterrement ou l'immersion. Donc, dans l'eau. Si on veut avoir une réponse plus fonctionnelle, bien évidemment, c'est l'incinération du point de vue écologique. Ça ne nuit rien à rien. Série de questions. Où prenez-vous tout ce que vous dites? Oui. C'est ça. Pour savoir, ça faudrait une personne meure et revienne à la vie pour le dire. On va parler de la mort. Oui. Et ensuite, l'autre question. Ça a un sujet avec André Moreau. C'est un Français assez particulier, effectivement. Je vais te poser... Lire, là, puis moi, je vais ouais, c'est ça. La première. Ouais. Lis la deuxième partie. Donne-toi ta tête. Bon. Comment puis-je parler du phénomène de la mort si, effectivement, je ne suis pas mort et René? Bon. Il faut comprendre que tout ce qui se passe est enregistré. Je parle, c'est enregistré sur une cassette. Hein, c'est de la matière. On prend une photo, c'est photonique, mais c'est enregistré. Lorsque l'on regarde les étoiles, ce que l'on voit, c'est la mémoire photonique de la lumière de l'étoile, mais l'étoile n'est plus là, elle peut même être disparue. Mais vu que la lumière a été projetée dans l'espace, avant que la lumière frappe un œil, bien évidemment, la mémoire photonique reste là, l'étoile peut devenir une supernova, exploser, et la lumière frappe, puis la personne pense que l'étoile est toujours là, puis l'étoile n'est plus là. Mais ça, on sait ça scientifiquement depuis longtemps. Vous savez que la lumière du soleil prend au-delà de 7 minutes pour atteindre vos yeux sur la Terre. Alors, si le soleil explose... Bien, vous allez le savoir 7 minutes après. Parce que la vitesse de la lumière dénote du temps, donc ça prend du temps. La mémoire, tout ce qui est enregistré est mémorisé. Alors, si la personne a la faculté, ce que certains voyants ont réussi à faire lorsqu'ils ont écrit certains livres ésotériques, a la faculté de pénétrer ce qu'on appelle aussi en termes ésotériques les annales akashiques, c'est-à-dire la mémoire du temps, si on a la faculté de pouvoir lire cette mémoire dans le ciel là où elle est, ben évidemment, on peut voir les personnes mourir, on peut suivre leur cheminement à la trace, on peut donc connaître d'une façon globale toute la phénoménologie de la mort et de la naissance. Comment savoir si on se réincarne? Ben, en fouillant les mémoires de la planète, et si on voit des réincarnations, ben, on sait qu'elle se réincarne. Alors, c'est simplement de cette façon-là qu'on peut, ben, c'est un moyen, disons, de la clairvoyance. Si on parle de savoir instantané, cela veut dire qu'on a un point de vue cosmique de ce qui se passe sur la Terre, et non pas un point de vue humain. Lorsque moi je parle d'un point de vue cosmique. Je peux aussi parler d'un point de vue humain pour faire mieux comprendre les choses. Alors, je n'ai pas besoin d'expérimenter une chose pour le savoir, étant donné que le savoir instantané est un savoir qui n'est pas expérientiel, qui est existentiel. Donc, on n'a pas besoin d'expérimenter un phénomène pour pouvoir en parler. On n'a qu'à en parler pour pouvoir l'expérimenter. C'est le cas du savoir instantané qui frustre tant d'hommes anciens et tant de personnes transitives qui n'arrivent pas à voir cette compréhension. L'enfant, lorsqu'il vient au monde, il tète. Ils n'ont pas besoin d'y montrer. C'est du savoir instantané. Lorsque les personnes dans l'Antiquité, et même encore aujourd'hui dans les pays sous-développés, ont des maladies ou des blessures, ben ils savent quoi faire. Du savoir instantané. Ils n'ont pas assez d'ego pour le colorer. Tandis que vous, placé quelque part, dans une jungle, vous avez un problème, ben vous ne saurez pas quoi faire, parce que vous allez tellement faire référence à vos mémoires pour expliquer la réalité, que vous allez carrément être fait. Le savoir instantané est une condition qui est vécue par l'humanité, mais qui est vécu d'une façon inconsciente par l'humanité, ce qui fait que, étant inconsciente, l'humanité n'en trouve jamais les traces chez elle, à part l'illumination théologique, ou à part le eureka scientifique, c'est les seules traces que laisse l'intelligence supramentale, le savoir instantané, l'intelligence active dans l'homme. Vu que moi, je parle relié à ce savoir instantané, alors évidemment, je n'ai pas besoin d'expérimenter un phénomène pour le savoir. Qu'est-ce que vous pensez d'André Moreau, le jovialiste, que j'ai déjà assisté à l'une de ses conférences et c'était fantastique tout ce qu'il pouvait dire lui aussi. Est-ce qu'on peut le comparer à vous? Question. Bon, premièrement, je le trouve exactement comme vous le trouvez. Et puis, deuxièmement, si on peut le comparer à moi, ben, si vous me comparez, oui, sinon, non. J'ai de la misère à vous comprendre. Vous parlez beaucoup et vite et je ne comprends pas les termes, les phrases, car mon français est pas trop bon. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas, que je ne peux vous suivre. Je me dis à quoi ça donne d'aller à une conférence que si je ne comprends rien ou presque rien. Bon, parfait. Premièrement, c'est pour cela que celui qui achète le billet pour la semaine d'après a la conférence, enfin, gratuitement sur cassette, comme ça peut réécouter, sans avoir à débourser nécessairement. Étant donné qu'il a un intérêt énergétique à revenir ici, ben alors on lui fournit les cassettes. Deuxièmement, le fait que la personne ne comprenne pas tout n'a rien à voir, étant donné que ce que je dis n'est pas du domaine de la compréhension pure, mais est beaucoup du domaine de la vibration pure, ce qui fait que le simple fait... Il y a souvent des personnes ici qui amènent des enfants. Ben, les enfants, ils veulent revenir. Pourquoi? Ils comprennent rien. Il y en a même qui dorment. Il y a même des adultes qui dorment aussi, puis ils reviennent quand même. Bon. Pourquoi? Parce qu'au niveau vibratoire, il se passe des choses que, par à la suite, il y a des choses que vous ne compreniez pas, que vous, d'un coup, vous allez comprendre. Ça n'a rien à voir avec la conférence. Non. Sauf que vibratoirement, il y a des choses qui se passent. Il y a des mutations qui s'opèrent. Et ce n'est pas de mon énergie qui crée la vibration. On parle d'intelligence. Il y a donc de l'intelligence dans la salle. Il y a donc de l'énergie intelligente ici. Moi, j'en transmets une partie en parole. Le reste, il est là. Et les personnes sortent énergisées. Ils sortent pépés. Et ceux qui vont sortir pépés peuvent être carrément dans, rendus dans le métro ou chez eux. Pourquoi? La différence de potentiel énergétique fait qu'à un moment donné, on a l'impression d'avoir été coupé de quelque chose. Ça, on finit par s'habituer. Puis à un moment donné, ben, on reste relativement stable. Donc, ce n'est pas... Et je parle relativement vite pour deux raisons. Je peux parler plus lentement. La première raison, je ne veux pas que vous ayez le temps de tout comprendre ce que je dis, parce que la majorité d'entre vous allez intellectualiser ce que je dis, plutôt que de le laisser passer comme feeling, donc comme vibration. Deuxièmement, pour pouvoir parler d'une façon à l'aise, l'énergie supramentale se ralentissant par le biais d'un ajusteur de pensée pour pouvoir être communiqué par ma bouche, il passe quand même à une vitesse relativement rapide, ce qui fait que si je ralentis le flot de parole, évidemment, il y a un paquet de phénomènes qui pourraient être intéressants à parler que je n'aurai pas le temps de parler. Bon, alors ça, c'est deux raisons qui font que je dois ou que je me permets d'accélérer le flot de parole de façon à ce qu'on ne spiritualise pas trop le phénomène et à ce qu'on intellectualise pas trop ce que je dis. Comment expliquer la mort à un enfant de 4 ans qui vient de perdre sa mère? On doit l'expliquer à l'enfant, ajuster à l'enfant. L'adulte, souvent, vit dans son monde à lui et se dit « Oui, mais je suis pas pour y mentir. » De toute façon, tout ce qu'il va y dire va être d'une menterie, parce que l'adulte ne le sait pas lui-même. Donc, l'adulte doit donc expliquer à l'enfant le phénomène au niveau de l'enfant. Premièrement, l'enfant vibre déjà que la personne, si elle n'a pas été évidemment instruite d'une façon fautive, un peu désagréable, vibre déjà que la personne est partie quelque part et puis qu'il n'y a pas de problème. Évidemment, au niveau de son ego, elle a expérimenté la personne, alors elle va chercher la personne. Mais on peut facilement compenser ce manque à gagner au niveau émotif par ce qu'on peut donner à l'enfant. L'enfant ne fera jamais de problème avec la mort, sauf si l'adulte l'a instruit à faire des problèmes avec la mort. Alors, si on dit à l'enfant que la personne, elle est partie dans un autre pays, pour l'enfant de 4 ans, ça peut se comprendre. On peut lui montrer la carte, le globe terrestre, et l'enfant, on lui montre c'est quoi un pays, et puis on lui montre des photos, puis l'enfant peut demander dans quel pays. Alors, on peut lui dire si c'est un pays qui n'est pas là-dessus. On peut lui expliquer selon ce qui va aller, et on peut créer une fable. L'enfant, à la longue, va finir par savoir que la fable est fausse, parce que l'enfant, à 7 ans, s'il vous pose des questions, continuez pas avec le Père Noël. Ajustez-vous à l'enfant de 7 ans. Et rendu à 12 ans, s'il repose des questions, ben, expliquez-lui plus clairement. Comme ça, l'enfant n'aura jamais l'impression que vous lui avez menti. Ça, c'est important. Maintenant, on ne doit pas expliquer à l'enfant comme nous, on aimerait se le faire expliquer. L'enfant, on lui pose des questions. Mais où tu penses qu'elle est? Mais je ne le sais pas. Bon, alors on lui explique des choses selon la vibration qu'on a avec l'enfant. Je ne peux pas donner la réponse comme ça, je n'ai pas l'enfant avec moi, je pourrais lui expliquer. Mais c'est à vous de le faire, parce que c'est à vous aussi d'apprendre à vous ajuster à des personnalités qui n'ont pas autant d'ego, donc de mémoire que vous. Et on s'ajuste à l'enfant. Je veux savoir comment il se fait qu'une mère qui voit mourir son enfant souffre autant dans son corps qu'à la naissance de l'enfant. Ça, c'est une projection massive qui a ramené la mémoire de l'enfant. L'enfant ne devait pas être extrêmement vieux. La mémoire de la mère, la mémoire, l'expérience de l'enfantement de l'enfant a été quelque chose qui a traumatisé l'ego. Soit en souffrance physique, soit aussi simplement en plaisir d'avoir un enfant, ou ça peut être aussi en désagrément, mais je crois plus que c'est en plaisir. Et lorsque l'enfant meurt, le corps, l'ego refuse totalement la mort, ce qui fait que lorsque l'enfant meurt, l'ego revit la mémoire de l'enfantement pour essayer de réenfanter l'enfant, c'est inconscient, de réenfanter l'enfant pour que l'enfant ne meure pas. Et évidemment, l'ego ayant la faculté hormonale de contrôler le corps par le biais du thalamus, de l'hypothalamus, donc des glandes endocrines et exocrines, la mère va recommencer à sécréter ce qu'il faut pour que les contractions utérines recommencent. Peut-être même qu'il y a eu des contractions, peut-être pas. Et la mémoire des douleurs, bref, tout l'enfantement complet peut être vécu et physiquement et psychologiquement par la mère. C'est une réaction, disons, de rejet total de la mort de l'enfant, qui ne nuit pas tellement à l'enfant, étant donné que la mère, premièrement, l'enfant reste relativement léger au niveau de son âme, et surtout que la mère étant, englobée par sa propre mécanicité de réenfantement mémoriel, ça libère donc l'enfant, ce qui fait que ça ne dérange pas l'enfant, mais c'est ce qui a fait que la mère a revécu l'enfantement. Quoi dire à une mère dont le fils de 18 ans vient de se suicider? Bon, ben on peut lui demander comment ça va. Une chose. On ne lui parle pas de son fils pour l'instant parce qu'évidemment, la mère étant une personne normale, c'est-à-dire un être qui n'est pas en état d'apprendre de choses quand elle vit quelque chose. Hein? T'es malheureux, ben c'est pas le temps de te faire dire, tu devrais pas être malheureux. Pas le temps. Avant, après, pas pendant. Bon. Alors, quoi dire à la mère? Premièrement, ne pas trop compatisser, ne pas trop être, disons, compatissant avec elle. C'est-à-dire, tu sais, on va pas broyer avec elle, on va pas trouver sa plate avec elle, on va pas ressasser les mémoires avec elle. On doit tout faire pour aligner la mère dans la vie. Si elle a d'autres enfants, qu'elle s'en occupe. Si elle n'en a pas d'autres, qu'elle s'occupe d'elle. Il y a tellement de choses qu'elle peut faire, mais une chose qui est certaine, c'est qu'on doit toujours braquer l'humain dans le vivant, l'actuel, Et pour que l'humain comprenne que le vivant est important, on doit le braquer dans l'avenir. Oui, parce que l'humain vit dans le passé ou dans l'avenir, le présent, ça n'a pas de texture pour lui. Alors donc, on le braque dans l'avenir. La chose à ne pas faire, évidemment, c'est d'être compatissant trop avec la mère, d'aller ressasser les choses. Si la mère vous haït, elle va oublier l'autre. Ce sont déjà une chose. Ça a l'air extrêmement con, mais c'est salutaire. Mais évidemment, on veut pas être le... Bon, ben c'est ça. Mais allez lui dire carrément, partez, vivez. On peut vous traiter de sans-cœur. Vous n'êtes pas sans-cœur, vous l'aimez, puis... Puis la mère, elle doit continuer pareil, puis bon, ben c'est ça. On doit la motiver vers l'avenir. Et ne pas ressasser le passé avec elle. Le suicide dans tout ça, est-ce que c'est une façon de mourir? En quoi le suicide affecte l'évolution? Ben oui, c'est une façon de mourir, ça va de soi. En quoi le suicide affecte l'évolution? Constitué comme vous l'êtes, vous connaissez des choses et vous ne pouvez connaître que ce que vous avez expérimenté, donc appris. L'humain de son vivant doit être en contact avec son plan supramental, donc l'humain de son vivant doit être dans son intelligence, donc être lié à son esprit, et finalement, il doit devenir cet esprit. Il ne doit plus dire toujours « je suis en contact », il doit finir par dire « je suis ». Bon. Lorsque l'être humain meurt, il se suicide. Il va dans le monde de la mort. Et dans le monde de la mort, il reste dans le monde de la mort. Les pharaons ont tout fait pour rester dans le monde morantiel et éviter le monde de la mort. Alors, ils ont demandé à leurs prêtres d'inventer une structure qui pouvait leur permettre de momifier le corps physique. Momifiant le corps physique, ils conservaient la mémoire du corps physique. Conservant la mémoire du corps physique, ils pensaient conserver l'énergie vitale. Donc, automatiquement, obliger l'âme à rester auprès du corps. Ça ne marche pas comme ça parce que la mémoire momifiée est de l'énergie vitale qui a été fournie au corps à partir des ingrédients de momification, ce qui fait que le pharaon est quand même parti. Lorsque l'humain se suicide, il va dans le monde de la mort, il ne peut pas sortir du monde de la mort et il revient dans le monde de la Terre et il doit revivre dans le monde de la Terre. Sauf que lorsque l'être humain se suicide, il est dans une phase très avancée au niveau de l'initiation, il souffre énormément, il n'a plus peur de la mort, n'aimant plus la vie, il se tire une balle dans la tête. Parce qu'on a peur de la mort tant qu'on aime la vie. Quand on n'aime plus la vie, la mort n'a plus d'importance. Alors, n'ayant plus de substance au niveau de la vie, et c'est merveilleux qu'un être humain en arrive là, parce qu'il ne peut plus faire confiance aux traditions, aux croyances, à sa mémoire. Il ne sait plus qui il est. Il n'a plus de substance pour exprimer quoi que ce soit. Qu'il reste en vie. Parce que dans pas grand temps, il y a quelque chose de neuf. Le récipient est vide. Dans pas grand temps, il y a quelque chose de neuf qui va commencer à le remplir. Et l'être humain va renaître. Il va renaître et il sera un être transitif. Il sera quelque chose de neuf, quelque chose d'autre. Et dans cette vie-ci, peut-être dans celle qui va suivre après, il va arriver à ce contact avec l'esprit. Un autre problème majeur, c'est que l'humain étant traditionnaliste de par son éducation, ben il prend les vieux livres puis il apprend que tous ceux qui ont vécu n'ont pas eu le contact avec l'esprit à part les apôtres. Les 63 apôtres. Et lorsque l'humain... aujourd'hui, lit ça, ben, il se dit toujours, ouais, mais tu sais, c'est pas dans cette vie-ci que, ben, il va falloir à un moment donné que ce soit dans une vie quelconque. Ouais, mais moi, j'ai 45 ans. Oh oui, mais moi, j'ai 82 ans. Ouais, mais moi, j'ai 22 ans. C'est ça. Ça peut être n'importe quand. C'est quand l'ego s'y en attend pas. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le suicidé revient dans le monde de la vie et doit recommencer encore à revivre et à faire ces choses-là. Karmiquement, il n'y a pas 56 000 affaires à payer, sauf qu'il revient dans une société qui tolérait le suicide. Alors, à un moment donné, il peut avoir, lui, quelqu'un qui connaît qui va suicider. Il peut encore se suicider, mais ça ne changera rien. Ça freine son évolution en ce sens que toutes les fois qu'il passe du temps dans le monde de la mort, bien évidemment, il se repose, mais c'est pas là qu'il va finir par transmuer le monde de la mort. C'est dans le monde de la vie qu'il va finir par comprendre, par avoir ce contact avec l'esprit, et là, il pourra transcender le monde de la mort. Donc, le suicide devient une aberration, quoiqu'il n'est pas nuisible. Quelqu'un qui s'est suicidé, ben c'est ça. Et à un moment donné, ça va revenir, ça va recontinuer à vivre, et puis un jour, ça va transcender le monde de la mort, comme chacun des humains doit arriver à le faire. Et va arriver à le faire. Qu'est-ce que le Nazaréen voulait dire lorsqu'il a dit « Je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Bon. Premièrement, il voulait sans doute dire ce qu'il a dit. C'est une chose. On me demande d'interpréter ce que le Nazaréen a dit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Nazaréen parlait à des humains qui avaient un langage particulier, n'est-ce pas? C'était pas le français. On a traduit. Et il parlait aussi avec une limitation de mots. Il ne pouvait pas parler d'atome, hein? Bon. Lucrèce l'avait fait. Mais ça, c'est en grec. Puis Atomas, ça va. Mais ça n'avait pas la même consonance vibratoire que ce que l'on connaît aujourd'hui. L'atome, c'était le symbole de la molécule à l'époque. Bon. Le Nazaréen préparait une place. Faut comprendre une chose. Le Nazaréen, en venant sur le plan planétaire, a créé un événement. Il a créé une expérience mémorisée dans le monde de la mort. Et cette expérience mémorisée est celle d'un être qui a transcendé le monde de la mort. Ce qui fait qu'automatiquement, il a laissé au niveau mémoriel une connotation mentale qui a permis depuis ce temps à n'importe quel autre humain d'avoir la possibilité de contact avec l'intelligence instantanée, ce qu'on appelait à l'époque l'esprit saint, l'esprit pur, non émotivisé, non terrestrifié, non coloré. À partir de cette étape, le Nazaréen a ouvert le ciel aux humains d'une façon qui est assez intéressante, et il a, quand il dit « j'ai fait une place », c'est qu'il était en train de gérer, de créer, ce qui était pour être l'apanage mémoriel de son passage, la religion, pour permettre aux humains de comprendre à un moment donné, parce que l'humain n'avait pas suffisamment d'intelligence pour se connecter. Pas à l'époque, parce qu'il serait déjà connecté. Au contact vibratoire du Nazaréen, certains sont connectés. Oui, OK, mais les autres, non. Alors donc, pour créer l'idée que tu sais, vous êtes médiocre, vous êtes des larves, vous êtes poussière, vous retournerez poussière, mais moi, j'ai fait une place où je vais être. Ben, vous m'aimez, je suis sécurisant pour vous. Alors, j'ai fait une place quelque part, dans les cieux ou dans le ciel, où vous pourrez venir et être là. Ça l'a forcé l'humain à ne plus entrevoir qu'une simple immortalité réincarnative. Parce que l'humain, à l'époque aussi, il savait que la réincarnation était existentielle. Sauf que là, on a pensé que peut-être qu'à un moment donné, il cesse d'être réincarné puis il finit par faire quelque chose. C'était incompréhensible à l'humain de l'époque. Alors, on a donc, le Nazaréen a parlé, il y a plusieurs choses que le Nazaréen a dit qui étaient typiquement ajustées à la conscience de l'époque. Le Nazaréen a donc expliqué ces choses-là, qui voulait simplement dire qu'un jour, tu auras un double éthérique, mon bonhomme, un double éthérique dans les cieux, donc il y aura une place pour ça. Et évidemment, le Nazaréen, lorsqu'il est parti, il a éthérifié son corps, il était donc du domaine supramental. Et un jour, tu ne mourras pas, parce que le double éthérique est une lumière beaucoup plus puissante que le monde de la mort. Et lorsqu'une personne qui a un double éthérique, qui est constitué par l'anégoïsation de l'âme, l'humilisation de l'âme, lorsque l'être humain a un double éthérique, lorsqu'il quitte son corps physique, il ne va pas dans le monde de la mort, il va dans le monde supramental rejoindre son double éthérique. Et c'est ce que le Nazaréen sous-entend lorsqu'il dit que je vais créer une place, c'est-à-dire qu'il a créé une expérience permettant à la mémoire astrale, le ciel, de savoir que des humains peuvent maintenant transcender le monde de la mort. Est-il possible de rajeunir? Bien sûr qu'il est possible de rajeunir. Pour remonter la vibration d'une âme, du vivant, d'une personne, que faut-il faire? Et comment aimer sans mourir, sans nourrir l'âme? Bon. Pour remonter la vibration d'une âme, d'un vivant, que faire? Mais laissez-la en paix. La meilleure façon de ne pas nuire à l'homme, c'est de cesser de vouloir à tout prix l'aider. L'être humain a une expérience. Imaginez-vous que si je vous dis, moi, je suis un maître et à genoux tout le monde, je vais vous sauver. Vous allez dire, oh, oh, oh. Mais l'autre, il pense la même affaire de vous autres quand vous voulez l'aider. Alors, vous concevez l'intelligence qu'à un moment donné, l'homme doit être son seul maître. Son seul maître, pas le maître des autres. Oui, mais celle-là, cette personne-là, elle comprend pas puis elle me crée du tort. Mais quand on veut faire évoluer quelqu'un, pour soi, pour qu'elle nous crée plus de tort, on appelle ça de la sorcellerie, de la magie noire. On veut manipuler l'évolution amique de quelqu'un pour nous avoir la paix. C'est une chose qui se fait, bon, mais qui n'est pas nécessairement évolutif pour celui qu'on va manipuler à évoluer. Bon, pour remonter la vibration d'une personne, il y a une chose qui n'est pas karmiquement, disons, négative. Augmentez la vôtre. Et si l'autre est capable encore de vous endurer, bien, à votre contact, veut pas, elle va augmenter la sienne. Alors, on ne va pas lui donner des cultes, on ne va pas lui dire quoi faire, on ne va pas la sermonner, lui conter une morale. Devenez l'expression de l'évolution vibrante et automatiquement, ce qui est autour de vous va vibrer aussi. Alors, on laisse la personne en paix. Si elle n'est pas prête, elle va s'en aller. « Oh, mais je veux pas qu'elle parte. » Bon, ben, c'est ça. On appelle ça de l'évolution égoïque. Si elle veut pas qu'elle parte, évolue à son rythme. Elle partira pas. Mais plaintes pas. Puis si tu évolues à ton rythme puis elle veut s'en aller, ben, c'est ça. Qu'elle s'en aille. On n'assujettit pas quelqu'un à évoluer à notre propre rythme parce que nous, on souffre quand elle s'en va. C'est de la possession. Alors, la personne, dans l'Antiquité, on disait, ben, sois bon et pur, puis ceux qui t'entourent vont devenir comme toi. Ben, c'est ça. En plein ça. Par mimétisme égoïque. Augmentez votre vibration. Ce soir, on est dans une salle ici. Il y a de l'énergie, il y a de la vibration. Il y a des choses qui se passent. À un moment donné, vous êtes de bonne humeur, vous êtes heureux, ça sort, vous rentrez quelque part, vous remontez le moral du monde. Vous les moralisez pas. Vous leur dites pas, tu devrais être heureux. Mais non, vous exprimez-le, comment, mais parlez-y pas, soyez vous autres, vibrez-le. Automatiquement, ben c'est ça, ça remonte le moral, c'est ça remonte la vibration de l'ego. Ben, toute l'évolution de l'homme se fait de cette façon-là. Soyez vous-même, et puis laissez les autres être eux ce qu'ils ont à être. Et puis à un moment donné, ben, ça va se clair. À cette question, je pense que ça convient. Comment assister un mourant? Bon, comment assister un mourant? Si on est médecin, on l'assiste médicalement. Hein? Si on est prêtre, on l'assiste théologiquement. Et si on est ami ou parent, on doit le laisser parler. Et c'est tout. Vous pouvez lui tenir la main. De cette façon-là, l'ego a toujours la consistance d'une énergie vitale qui lui permet de passer le palier où son âme se déconnecte de son corps physique. Et à l'instant où la personne elle est morte, alors on la laisse tomber. On lâche pour ne pas créer un mécanisme qui va nourrir le corps physique suffisamment pour, disons, ramener la personne. Alors, on laisse aller. La personne, lorsqu'elle est en train de mourir, elle peut parler. Alors, on parle avec lui. Mais on ne lui pose pas nécessairement des questions et on ne lui dit pas rien non plus. On parle avec. Moi, j'ai assisté des enfants à Sainte-Justine et, disons, dans la rue ou dans les maisons, lorsque je travaillais pour Urgence Santé, c'était une assistance médicale. Normalement, les personnes étaient déjà en arrêt cardiaque. Alors, quand on les réanimait, on leur posait pas 50 questions. Ils peuvent pas parler, t'es intubé, de toute façon. Bon. Et à l'hôpital, donc, les enfants, c'est le même phénomène. Tu parles, puis à un moment donné, il fait qu'exprimer ce qu'ils voient, ce qui se passe, etc. Puis tu le laisses aller. Puis quand c'est parti, ben c'est parti. Et puis l'enfant meurt d'une façon absolument exemplaire. Et qui est correct. Et automatiquement, vous déconnectez émotivement du mort. Vous vous retournez vers les autres qui sont vivants. Et puis on continue le cheminement. Comment doit-on interpréter dans la Bible le jugement dernier? Que devons-nous faire avec le corps après la mort? Ce qui reste. Bon, le jugement dernier, on devrait l'interpréter comme le dernier jugement. C'est ce que cela veut dire. Mais faites attention, ce n'est pas un jeu de mots. Le dernier jugement, cela veut dire que l'être humain ne transcende plus, ne transcende le monde de la mort, mais ne va plus dans le monde de la mort. Regardez ceci, quand l'âme perd son périsprit au contact du monde de la mort, parce que le monde de la mort, c'est de l'astral, et l'enveloppe est de l'énergie vitale, ça ne pénètre pas dans le monde de la mort. La personne qui pénètre le monde de la mort est confrontée à un paquet d'expériences similaires à ce qui la constitue, elle. C'est ce qu'on appelle revivre ce qu'on a vécu. Lorsque l'être humain transcende le monde de la mort, cela veut dire qu'elle arrive à son dernier jugement. Il n'y a pas de jugement dans le sens où ce qu'on t'approche quelqu'un, puis on condamne des choses. Il n'y a pas une entité intelligente qui bâtirait des êtres humains en étant conscient qu'une partie de l'humanité ne sera jamais rien d'autre qu'une partie de l'humanité, puis que l'autre va devenir divin à un moment donné. Un instant. Ceux qui croient ça, ben, croyez-le, mais croyez que vous êtes du bon bord, parce que sinon, vous allez mal dormir. Puis c'est d'ailleurs ce qu'ils font toutes les religions. Ils sont tous les élus. Les autres ne sont pas. Bon, hein? Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le dernier jugement? Le dernier jugement, c'est comme amen, ainsi soit-il. Ça veut dire qu'il en soit ainsi. Quand on prie, on donne un ordre. Parce que sinon, c'est pas que Dieu sait faire fort. Bon. Le dernier jugement, l'être humain arrive à un point tel où sa conscience est suffisamment évoluée. Il est dans son intelligence. Il a fusionné son ajusteur de pensée. Il est en contact avec son esprit. Lui va se juger. Lui va opérer une mutation vibratoire de ce qui constitue son âme. Il va la faire évoluer, donc l'esprit spiritualisé, la rendre spiritique. On peut dire spiritualisé, mais ça n'a rien à voir avec les fantômes. Et lorsque l'être humain a esprit spiritualisé son âme, évidemment, c'était le dernier jugement. Le Nazaréen ne dit pas aussi que le pardon est du ressort de l'homme, que les péchés sont du ressort de l'homme. Faites-vous pardonner par les autres. Vous voulez aller à l'église, à la messe, faire une offrande, prier pour qu'on vous pardonne? Va voir le gars à qui t'as quelque chose à faire, là, laisse ton offrande de côté, va le voir, organise-toi avec lui. Puis après ça, si t'as du temps, tu iras à l'église. Mais le dernier jugement est aussi fait par l'homme. Et l'homme s'auto-juge. Il n'y aura jamais pire juge que celui qui se juge. Ce sera le dernier jugement. Par la suite, l'homme transcende le monde des mémoires, donc le monde de la mort, donc l'homme est libéré. Il n'y a plus de jugement. Hélas, possiblement, la conférence est terminée. Les questions qui restent, on les reprend de toute façon de temps en temps lors de d'autres conférences. La semaine prochaine, la conférence va porter sur... Sur quoi? L'évolution se moque de l'expérience. Ah bon, ben ça va répondre à certaines questions que vous vous posez. Comment ça se fait que moi, je peux parler comme ça? L'évolution se moque de l'expérience. Bien, merci, Daniel.